Europe On Air avec les centres Europe Direct. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Europe en Air, l'émission qui vous parle d'Europe et de son actualité. Votre chronique est présentée par l'association Citoyens et Territoires Grand Est, Centre Europe Direct, Territoire Lorrain. Alors aujourd'hui, on va parler du bilan de la présidence française du Conseil de l'Union Européenne. Bonjour Camille, alors peux-tu nous rappeler ce qu'est le Conseil de l'Union Européenne ? Bien sûr Yves, alors du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022, la France a présidé le Conseil de l'Union Européenne, cette institution donc qui rassemble les ministres des différents pays de l'Union Européenne et qui se réunit en fonction des thématiques abordées, donc les ministres de l'agriculture quand on parle d'agriculture, les ministres du transport quand on parle du transport, etc. Cette institution, elle est co-législateur, c'est-à-dire qu'elle a un rôle très important puisqu'elle vote les lois, ou plus exactement les directives et les règlements avec le Parlement européen, des lois qui auront ensuite un impact sur les 447 millions de citoyens européens. Alors, en quoi consiste exactement cette présidence française du Conseil de l'Union européenne ? Eh bien, présider le Conseil de l'Union européenne, c'est avant tout présider des conseils de ministres au niveau européen. Les ministres français ont donc dû préparer les réunions en amont. Ils ont également présidé les séances et représenté l'ensemble des ministres européens auprès de la Commission européenne, du Parlement européen et d'autres institutions internationales. Cette présidence, elle permet ainsi de déterminer en partie l'agenda européen et les sujets en discussion, et en cela, elle représente donc un pouvoir important. Enfin, elle permet aussi de faire parler des sujets européens dans les médias nationaux. Quel a donc été le rôle d'Emmanuel Macron durant cette présidence française du Conseil de l'Union européenne ? Eh bien, le rôle d'Emmanuel Macron et des ministres dans le cadre de cette présidence française du Conseil de l'Union européenne a été celui de broker, c'est-à-dire qu'ils ont tenté de trouver la voie des compromis pour faire avancer les négociations européennes sur les chantiers législatifs en cours et ainsi parvenir à trouver des accords. Camille, peux-tu nous rappeler quelles étaient les priorités de la France pour cette présidence du Conseil de l'Union européenne ? Eh bien, Emmanuel Macron avait intitulé sa présidence « Relance, puissance, appartenance ». Les ambitions étaient nombreuses et couvraient de nombreux sujets. Il était d'abord question d'une Europe souveraine, avec notamment une réforme de l'espace Schengen et une boussole stratégique de défense. Un nouveau modèle européen de croissance, avec de nouvelles ambitions écologiques et sociales. Et enfin, une Europe à taille humaine, avec le respect de l'état de droit et des valeurs de l'Union européenne. Est-ce que ces objectifs étaient réalistes ? Eh bien, beaucoup de médias et d'analystes se montraient plutôt critiques quant à la possibilité de faire avancer l'Union européenne sur tous ces sujets en un laps de temps si court, soit 6 mois de présidence. Quand on sait qu'au niveau européen, certaines négociations mettent des années à aboutir, c'était plus qu'ambitieux. Comment qualifier cette présidence française du Conseil de l'Union européenne ? Eh bien, on peut la qualifier comme une présidence de crise. Cette présidence était tout sauf un long fleuve tranquille. L'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a démarré le 24 février 2022, a rebattu les cartes. Et les sujets, notamment liés à la défense et à l'aide militaire et financière à l'Ukraine et à sa population, ainsi que les questions de la dépendance énergétique de l'Union européenne, ont concentré l'essentiel des travaux de cette présidence. Un autre fait marquant, c'est bien entendu les élections présidentielles et la réélection d'Emmanuel Macron qui sont intervenues à mi-parcours de cette présidence française du Conseil de l'Union européenne. Quelles ont été les principales actions de cette présidence ? Eh bien, la présidence française du Conseil de l'Union européenne, aux côtés de la Commission européenne et du Parlement européen, s'est très vite mobilisée pour apporter une réponse rapide, unie et forte à l'agression russe. On peut citer en exemple les sanctions prises à l'encontre de la Russie et l'appui militaire inédit de l'Union européenne à l'Ukraine. On peut aussi dire que l'Union européenne a fait un pas de géant sur l'accélération de la réduction des dépendances européenne, notamment en matière d'énergie, avec un tout nouveau plan Repower EU. On notera aussi l'effort de rattrapage entrepris pour des investissements communs en matière de défense. Globalement, on peut dire que le pari du renforcement de la souveraineté européenne souhaité par Emmanuel Macron s'est donc effectivement concrétisé dans plusieurs domaines. Eh bien, on va maintenant faire une pause musicale et Camille, tu nous as choisi une chanson tchèque au doux titre de Matthew Miskris, d'Alper Cerny et Eva Buresova et on se retrouve tout de suite après. Pojď ke mně blíž, ať se uvelebíš mezi tím. Tě pohladím, možná víš, co pro mě znamená, když máš u mě skrýš, máš u mě skrýš, cítím tě, i když v noci spíš, doufám, že víš, máš u mě skrýš. Můžeš mě vzít, kam budeš chtít pustit film, i když jsme ho viděli včera, je to zvláštní, ale přitom to krásný. Když máš u mě skrýš, máš u mě skrýš, cítím tě, i když v noci spíš, doufám, že víš, máš u mě skrýš. Sur Radio Fagette pour l'émission Europe en Air présentée par le Centre Europe Direct Territoire Lorrain. Alors aujourd'hui, on parle du bilan de la présidence française du Conseil de l'Union Européenne. On a évoqué un peu plus tôt les sujets en lien avec la guerre en Ukraine sur lesquels la présidence a contribué, mais peut-on dire que les discussions sur les sujets prioritaires pour la présidence française du Conseil de l'Union Européenne ont abouti ? Alors oui, hein, beaucoup d'entre eux ont réussi à aboutir. On peut citer en exemple en matière commerciale l'instrument de réciprocité dans l'accès au marché public qui a fait l'objet d'un accord complet le 14 mars 2022 après 10 ans de négociations. L'instrument de réciprocité vise à garantir des conditions de concurrence équitables pour les entreprises européennes au sein des pays tiers. Alors dans le même esprit, la France a également plaidé pour le respect par les produits importés des normes européennes en matière agricole et environnementale. Y a-t-il d'autres exemples ? Oui, alors on peut citer le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui a aussi lui fait l'objet d'un accord politique le 15 mars 2022. Alors depuis 2005 et l'instauration du marché carbone sur les industries les plus polluantes, les industries qui produisent sur le sol européen doivent payer un prix du CO2 pour chaque tonne de CO2 émise et seulement jusqu'à présent, aucun prix du CO2 n'était ajouté aux importations de produits hors Union européenne qui provoquait donc une concurrence déloyale avec les industries européennes. C'est désormais révolu. Et en matière d'Europe souveraine, y a-t-il d'autres exemples ? Oui, on peut enfin citer l'accord intervenu au Conseil le 17 mars et qui a acté la constitution d'une filière européenne de production de batteries qui renforce là aussi la dynamique en faveur de l'économie circulaire, de l'excellence technologique et de la réindustrialisation de l'Union européenne. Et toujours dans le domaine technologique, le Digital Markets Act, qui a également fait l'objet d'un accord complet le 24 mars, c'est le premier cadre de régulation de ces marchés au monde qui va permettre de mettre fin aux pratiques déloyales de certaines entreprises numériques qui imposent leurs propres règles. L'objectif, c'est donc d'utiliser la législation pour limiter le pouvoir des GAFAM. Sur quel autre sujet la présidence française du Conseil de l'Union européenne a-t-elle permis d'avancer ? Eh bien, elle a engagé un débat sur le renforcement des outils en lien avec le respect de l'état de droit, notamment le règlement sur la conditionnalité liée à l'état de droit, qui est désormais en vigueur et qui permet de prendre des mesures contre toute violation dans ce domaine. Et donc, ça a forcément un impact sur le budget européen. Une avancée majeure a par ailleurs été obtenue en matière d'égalité entre les hommes et les femmes, avec l'approbation par le Conseil Conseil, le 14 mars, de la proposition de directive sur les quotas dans les conseils d'administration des entreprises, donc des discussions qui étaient bloquées depuis des années. Qu'est-ce qui, à l'inverse, a été mis de côté durant cette présidence ? Quels sont les sujets qui ont eu du mal à se faire une place dans l'agenda européen ? Eh bien, Emmanuel Macron souhaitait entreprendre une réforme de l'espace Schengen, mais en dehors de la mise en place d'un pilotage politique dont le principe a été acté, le sujet n'a pas connu d'avancée majeure. Le projet porté par Emmanuel Macron, de nouveaux modèles de croissance qui comportaient de nombreux volets, environnemental, numérique et social, a également été relégué au second plan. Et comme les autres présidences avant elle, la France a toutefois hérité des initiatives de la Commission européenne en la matière. On peut notamment citer l'accord politique sur un cadre de gouvernance pour des salaires minimaux adéquats dans toute l'Union européenne. Enfin, qui assurera la présidence du Conseil de l'Union européenne au second semestre ? Eh bien, après la France, c'est maintenant au tour de la République tchèque de prendre la relève à la tête du Conseil de l'Union européenne pour conclure cette année 2022, qui a été officiellement consacrée à la jeunesse. C'était la chronique Europe en air sur Radio Fagette, présentée par l'association Citoyens et Territoires Grand Est, Centre Europe Direct, Territoire Lorrain. À bientôt pour une prochaine chronique.